Le magasin Grand Clair, Monique, à votre service. Bonjour. Bonjour. Voilà, la semaine dernière, j'ai acheté un barbecue à gaz qui était en promotion à 172 € dans votre magasin de la rue Voltaire. Oui. Alors, y a des amis qui me viennent de m'offrir exactement le même. Je leur avais montré votre catalogue, alors maintenant j'ai deux barbecues. Alors, je voudrais savoir si je peux vous en rendre un. Est-ce que l'emballage est ouvert? Ah non, non, non, non, j'y ai pas touché. Quand j'ai vu que ça venait du même magasin, j'ai tout de suite compris. Et vous avez gardé votre ticket de caisse. Oui, je l'ai conservé pour la garantie et pour la date d'achat. Bon, je pense que ça devrait pouvoir s'arranger. Vous pouvez passer au magasin le plus rapidement possible? Avec votre article dans son emballage d'origine et votre ticket de caisse, bien sûr. Comme ça, on vous fera un avoir correspondant à la somme de votre achat et vous l'utiliserez pour acheter un autre article. Mais si je trouve rien, je sais pas moi, je peux pas être remboursé? Si, c'est possible aussi, monsieur. Ah bon, très bien. Très bien, je vous remercie. À bientôt. Oui, à bientôt. À votre service, monsieur. Au revoir.